Les petites histoires de Telmi. Mon copain mouton de poussière. Enfin, goûter englouti, devoir terminé, libération. Maman me laisse filer avec un hochement de tête et je cours m'enfermer dans ma chambre. J'allume ma console et m'affale sur mon lit. Mais juste avant que la musique du jeu commence, j'entends un bruit. Un petit bruit sourd qui vient de ma bibliothèque. Enfin, un de mes jouets qui s'anime. J'en rêve depuis toute petite. C'est que ce n'est pas toujours marrant d'être fille unique. Je pose ma console sur l'oreiller et je me lève tout doucement. J'avance en retenant mon souffle. Mon cœur bat à toute vitesse. J'ai souvent imaginé la scène si mon vœu pouvait se réaliser aujourd'hui. Mais ce n'est que ma figurine de guerrière Xinadu qui s'est renversée et elle est toujours en plastique. Alors que je la remets à sa place, je le vois, dissimulé au fond de l'étagère tout contre un livre. Une sorte de mouton de poussière, avec des yeux qui me fixent, terrorisé. Il n'a pas l'air bien dangereux, alors je lâche un petit « salut ». Il ne bouge pas d'un cil. J'approche ma main, doucement, pour lui montrer que je ne lui veux aucun mal, comme je le fais avec les chats qui se baladent au square. « Je ne vais pas te faire de mal. Tu es qui, toi ?» Après un moment d'hésitation, le petit nuage de poussière finit par avancer un peu, puis escalade ma main. On voit à travers, il a l'air super fragile. « Bonjour. » Sa voix est aussi minuscule que lui. Je ne bouge pas pour éviter qu'il tombe. Ça chatouille un peu. Il toussote, puis se met à parler à toute vitesse. « Je suis un ramasseur de dents de lait, mais je suis nul. Je me trompe sans arrêt. Je suis tellement maladroit que je manque toujours de me faire prendre. Je n'ai jamais ramassé une seule dent de lait. Tu te rends compte? Pas une seule. Les autres se moquent tous de moi. Tu es ma dernière chance. » Ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. « Tu sais, je suis un peu grande pour croire à la petite souris, et tu ne ressembles pas du tout à une souris. » Dans le noir, je te jure qu'on peut nous prendre pour une de ces bestioles poilues. C'est comme ça que la légende est née. Je ne dois pas avoir l'air très convaincu. De toute façon, c'est mieux si tu ne me crois pas. On ne doit pas être vu des humains. Sa toute petite voix tremblote. Pour ne rien arranger, un peu gêné, je lui annonce que je n'ai pas perdu de dents. Ses yeux s'agrandissent et deviennent ronds comme des soucoupes remplies de larmes. Je me suis encore trompé. Je suis vraiment le plus nul des ramasseurs de dents. Je ne pourrai plus jamais rentrer chez moi. Je m'assois sur mon lit et je le pose à côté de moi. Il se recroqueville avec ses toutes petites jambes qu'il dissimule sous son corps de mouton de poussière. J'essaie de le consoler. On va trouver une solution. Tu t'appelles comment, au fait? Moi, c'est Maïli. Il renifle. Glub. Regarde, Glub. J'ai cette dent, là, qui va bientôt tomber. Je pousse sur ma dent avec ma langue pour lui montrer qu'elle bouge. Il a l'air de trouver ça dégoûtant parce qu'il fait la grimace. Peut-être que tu pourrais rester ici en attendant qu'elle tombe. On pourra jouer ensemble et apprendre à se connaître. Qu'en dis-tu? Glub vient se blottir contre ma jambe pour me faire un câlin. Merci, Maïli. Dans les jours qui suivent, j'apprends à Glub à jouer aux jeux vidéo. Il est tellement petit et léger qu'il doit sauter de toutes ses forces sur les boutons de la manette. C'est assez rigolo. Partie après partie, je sens qu'il reprend du poil de la bête. On regarde des dessins animés à la télé. On organise de grandes batailles où ma guerrière Xinadu va sauver mes peluches. On s'organise même une super soirée pyjama. On évite quand même la bataille d'oreiller parce que Glub est vraiment trop minus. Mais on se raconte des tas d'histoires qui font peur et on rigole beaucoup. Je suis tellement contente qu'il soit avec moi. C'est comme avoir un minuscule petit frère, super turbulent, rien que pour moi. Mais son peuple lui manque. Il me parle souvent d'eux, et c'est assez fou d'imaginer cet univers plein de petites créatures comme lui qui se fabriquent des maisons en dents de lait. Même s'il n'a pas beaucoup de copains, il a une famille qui doit s'inquiéter. L'inévitable finit par se produire au milieu de la récréation. Ma dent tombe. Je me mets à pleurer en pleine partie de chat perché. Tout le monde me regarde un peu bizarrement, sauf Nina, qui s'approche pour me réconforter. Elle me dit que c'est chouette de perdre une dent parce que la petite souris va passer. Je pleure encore plus fort. Je n'ai pas perdu qu'une dent. Mais une promesse est une promesse. Je rentre à la maison et je vais directement dans ma chambre. Je lui tends la petite dent enveloppée dans un bout de mouchoir. J'ai une boule dans le ventre et les larmes aux yeux. Mais son grand sourire chasse ma tristesse. Il a l'air tellement heureux. Il pousse un petit cri, aussi petit que lui, et bondit tout contre moi pour me faire un énorme câlin. Il va pouvoir rentrer chez lui, montrer aux autres qu'il a réussi. Et je suis sûr qu'il deviendra super fort pour récolter des dents de lait. Le meilleur de la ville, du pays même. Il lève ses petits yeux vers moi et me dit sur un ton très sérieux. « Tu sais, Maëlie, les jours que j'ai passés avec toi étaient les plus chouettes de toute ma vie. Si tu veux, je reviendrai quand je n'aurai pas de travail, pour qu'on joue encore ensemble. D'accord ?» Glub est rentré chez lui. Ça semble fou, mais il peut faire apparaître un passage vers son monde dans n'importe quel mur, juste en se concentrant très fort. Un petit trou noir dans lequel il n'a plus qu'à se faufiler. Il a tenu sa promesse. Et on a continué d'être les meilleurs copains du monde. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Elsa Bordier et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine!